Salut, vous êtes bien sur Radio Cayenne. Nous sommes le lundi 20 avril 2020. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet à la fois historique et d'actualité, donc le lien entre les épidémies et la désignation de bouc émissaire. Donc c'est un phénomène qui est vraiment très ancien, qui a toujours été plus ou moins lié à d'autres fantasmes collectifs comme les théories du complot, que je n'évoquerai pas cette fois-ci, mais qui fera sans doute l'objet d'un autre sujet plus tard. Donc lorsque les prières et la médecine se montrent impuissants à juguler le mal, la peur de l'autre se trouve, un peu naturellement pourrait-on dire, exacerbée au moment des éruptions contagieuses. Dans la sphère chrétienne médiévale, cet autre s'apparente à tout ce qui n'intègre pas l'ordre hiérarchique supposé divin, à tout ce qui rôde hors de ses limites intangibles, mendiants, vagabonds, juifs, musulmans, etc. Au XVIe siècle, en Provence, où, comme dans pas mal de pays d'Europe, les épidémies de peste se succèdent, en 1588, Valerio de Feinis, un guérisseur auparavant respecté, est alors condamné à mort. Il était accusé de propager la maladie. D'origine étrangère, milanaise en l'occurrence, et d'extraction modeste, il a fait, comme tant d'autres, un bouc émissaire parfait, ainsi que certains de ses proches, médecins et membres du personnel de santé, ainsi que sa compagne présumée. En plus de l'accusation d'empoisonnement sont évoquées, comme souvent, des considérations sur la moralité des condamnés. Valerio de Feinis aura pourtant apporté une grande aide à la lutte contre la peste en établissant un réseau reliant plusieurs localités. Sa présence, en tant que soignant partout où se trouvaient des pestiférés, aura fait naître, par réversibilité, l'accusation de port et infection de peste. Il est ainsi pas rare que ce soit les soignants eux-mêmes qui fassent les frais des besoins collectifs de désigner des responsables aux maux incompris. Ils semblent en effet accompagner les maladies sans en être eux-mêmes atteints. Plus ils sont actifs, plus ils s'apparaissent comme suspects. Ces actions contre le personnel médical peuvent également se faire après coup, lorsque l'épidémie est passée, parfois en soulignant l'inefficacité de leurs soins, d'autres accusés de magie lorsqu'ils réussissent. Ces moments sont propices au règlement de compte entre différentes écoles et théories médicinales, notamment. À ces époques médiévales, donc, les vagabonds sont également souvent pris pour cible par la vindicte publique. Il n'est ainsi pas rare qu'en cas d'épidémie, les hommes soient envoyés aux galères et que les femmes subissent des peines corporelles. À Apt, en 1720, la mairie prend une série de mesures répressives. Les mendiants ne doivent plus camper aux portes de la ville et doivent rejoindre leur lieu de naissance. Des personnes en route vers la ville sont arrêtées puis expulsées avec la menace de la pendaison en cas de retour. L'évêché promet l'excommunication aux habitants qui donneraient asile à un étranger. À Narbonne, en 1348, plusieurs mendiants sont arrêtés parce qu'on aurait retrouvé sur eux des poudres suspectes. Alors que des villes s'isolent et se renferment, les règles connaissent des exceptions pour les prêtres, médecins, apothicaires, boulangers, etc. Exceptions qui ne concernent bien sûr que les maîtres et pas leurs employés. Les « corbeaux », entre guillemets, c'est-à-dire les fossoyeurs, sont aussi pointés du doigt, accusés de profiter de la maladie pour subtiliser les biens des malades et des morts. Enfin, même les animaux sont souvent désignés comme responsables des maladies. Si la peste est effectivement propagée par la puce des rats noirs, ce mécanisme ne sera découvert qu'au XIXe siècle. Et lors de la dernière grande épidémie de peste londonienne, en 1665, ce sont 40 000 chiens et 200 000 chats qui auraient été abattus, permettant au final davantage de prolifération des rats, réels vecteurs de la peste. Mais surtout, ce sont les juifs, et parfois les musulmans, qui sont invariablement les plus visés par les accusations en cas d'épidémie de peste. Dans les années 1320-21, en Aquitaine, des rumeurs font état d'une conspiration fomentée par les juifs et les lépreux pour propager des maladies, dont la lèpre, en empoisonnant fontaines et puits. Et ces accusations ont de lourdes conséquences. En 1321, en Languedoc, des lépreux ont été brûlés. Certains auraient avoué, au conditionnel et très probablement sous la torture si cela était avéré, avoir été payés par des juifs. Cette fixation antisémite peut s'expliquer par trois facteurs. Le fait que les juifs détenaient le petit et le moyen commerce de l'argent, notamment pour des raisons religieuses empêchant les catholiques de s'adonner à ces activités. Leurs débiteurs pouvaient facilement se saisir de toutes les occasions pour se libérer de leurs dettes. Ensuite, les soupçons d'empoisonnement étaient en particulier alimentée par les fonctions d'apothicaire et de médecin qui étaient aussi fréquemment occupées par des juifs. Et enfin, la croyance erronée que ceux-ci seraient peu ou pas du tout affectés par les maladies. Lors de la grande épidémie de peste noire, le roi de France, Philippe VI, ordonna en 1348 de pourchasser les juifs, souscrivant ainsi aux théories du complot à leur encontre. Il s'ensuivit une série de persécutions et de massacres, un peu partout en Europe, à Bâle, Strasbourg, où plus de 900 juifs ont été brûlés, Constance, Cologne, Nuremberg, Barcelone, etc. Donc nous allons passer maintenant au 19e siècle et essayer d'un petit peu voir quelle conception des maladies contagieuses était de rigueur à l'époque et quelles conséquences sociales cela a pu avoir. Il y avait deux grandes théories qu'on dit pré-bactériologiques. Donc l'une qualifiée d'infectionniste ou environnementaliste atmosphérique, donc qui apportait une importance particulière jouée par l'environnement physique et social, le climat, même la géologie, les conditions atmosphériques, la corruption de l'air par des miasmes et des émanations putrides, étaient ainsi considérés l'entassement dans les milieux urbains, les conditions de travail, de propreté, de salubrité des logements. C'est cette théorie qui aboutira à l'installation d'une ingénierie sanitaire, les systèmes d'abduction d'eau et d'éboueage. Cette conception amènera, lors d'épidémies, à rejeter la faute sur les zones insalubres habitées par les classes défavorisées et sur leurs mœurs prétendument dissolues et donc malsaines, ce qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Des thèses beaucoup reprises par des milieux sociaux proches du commerce, pour lesquels il y a un intérêt économique à s'opposer aux pratiques d'isolement qui ont des effets néfastes sur l'activité. Ces idées s'alliaient bien avec les représentations morales et religieuses qui voyaient dans les épidémies un châtiment divin, explication qui pouvait tisser des liens avec des considérations plus rationnelles données par la médecine de l'époque. Les maladies vénériennes étaient un des sujets de prédilection de ces considérations morales. Cette théorie incitera à des pratiques de fumigation, voire de feu et même de tir de canon au-dessus des villes atteintes du choléra au début du 19e siècle. Dans les faits, cette théorie s'accordait mieux aux maladies endémiques, surgissant périodiquement dans les milieux pauvres et provoquant une certaine résignation qui ira à l'encontre des politiques hygiénistes. Donc cette théorie environnementaliste atmosphérique ou infectionniste s'opposait alors à la théorie contagionniste, donc qui posait qu'il y avait des contagiums ou virus qui étaient des principes morbifiques qui se reproduisaient dans l'organisme et pouvaient se transmettre directement par contact cutané ou inoculation ou indirectement par les vêtements, les objets, les aliments, l'air, etc. La réponse était principalement les mesures d'isolement, de quarantaine et de vaccination. Cette théorie a pas mal aidé à la désignation de l'immigration comme responsable, en partie au moins, de la propagation des épidémies. Ainsi, dans les années 1830, au Québec, pendant l'épidémie de choléra, la maladie est apparue comme provenant de l'immigration et a donné du grain à moudre à cette théorie contagionniste. Par ailleurs, la prépondérance de cas chez les francophones conduira à l'apparition de théories complotistes attribuant au gouvernement britannique des manœuvres pour exterminer les Canadiens français. Toujours au Québec, en 1847, le typhus, apporté par des immigrants irlandais, aboutit aussi à la désignation de ceux-ci comme bouc émissaire et aux mêmes théories complotistes visant le pouvoir colonial britannique. Les hygiénistes, dont le docteur québécois A. Rousseau, pointent du doigt et culpabilisent les classes laborieuses en ces termes. Ce que l'on souffre, plutôt que de dénuement, d'un emploi peu judicieux de ses ressources. Il invoque la responsabilité familiale et la faute morale fait appel aux propriétés préventives des conduites vertueuses qui proscrivent, notamment, la promiscuité, le manque d'hygiène, l'intempérance et les vices. Des idées qu'on retrouve chez les puritains qui soulignent une étroite relation entre l'abstention de tout excès et la diminution des risques de maladie. Toujours au Québec, au 19e siècle, le conseil d'hygiène de la province visait pour la lutte contre les maladies vénériennes, particulièrement les prostituées, les prisonniers ou les travailleurs indigents. Une loi de 1865 autorisait à dénoncer toute femme suspectée d'être porteuse de maladies vénériennes. Celle-ci était alors contrainte à subir un examen médical et à rester détenue dans un hôpital jusqu'à ce que les autorités décident de sa libération. La syphilis était perçue comme une maladie impure, conséquence d'une vie désordonnée et d'une sexualité débridée, en dehors de tout cadre matrimonial, affectant surtout les individus à la moralité douteuse. La souillure microbienne répondait en quelque sorte à la souillure morale. Les moyens proposés pour éviter la contamination étaient alors l'abstinence sexuelle, l'activité sexuelle maritale et le contrôle de la prostitution. L'utilisation de préservatifs est-elle très peu évoquée, du fait de l'influence des autorités cléricales et des élites pour qui le procédé avait le désavantage de constituer un moyen de contraception. Comme on l'a vu, la désignation de bouc émissaire est vraiment ancienne. Il y a eu une certaine nouveauté à partir du 19e notamment, c'est plus l'apparition de théories complotistes pour un petit peu expliquer les épidémies. Mais la désignation de communauté bouc émissaire n'a pas pour autant disparu. Pour preuve, l'épidémie du sida, donc depuis les années 1980. Donc la particularité de cette épidémie du sida, c'est qu'elle touche les pays occidentaux au moment de son apparition d'origine inconnue et est toujours quasiment incurable. Donc dans ces sociétés occidentales, les épidémies ne sont plus un déterminant essentiel. Elles ne sont plus vues comme une épée de Damoclès permanente, une menace qu'il faut toujours avoir en tête. Ces sociétés occidentales sont donc bien plus sensibles à ces événements dès les premiers décès. Il y a une mobilisation et une attention exceptionnelles qui sont apportées à combattre le problème, ce qui n'était pas le cas auparavant, lorsque cela était plus fréquent, notamment, on l'a vu pendant le Moyen-Âge, où il y a eu en moyenne une grande épidémie de peste tous les 20 ans. Au début de l'épidémie de sida, les régions à plus forte incidence étaient Haïti et l'Afrique centrale, d'où la maladie, on l'a appris depuis, est originaire. À cette époque également, dans les années 80, il y a eu une concentration de cas chez les hommes homosexuels. Pour les sociétés occidentales, qui commençaient aussi à être touchées, cette origine extérieure n'a pas été sans conséquence sur la façon dont ont été perçues ces personnes. Aux USA, les premiers cas diagnostiqués dans les premières semaines ont été des homosexuels, ce qui a suffi, malgré le fait que les hétérosexuels aient été aussi rapidement touchés, à en faire une maladie des 4 H, homosexuels, haïtiens, hémophiles et héroïnomanes. Donc, en termes de proportion, les cas détectés concernaient à 17% les usagers de drogue par voie intraveineuse, les immigrants haïtiens, 5%, et les hémophiles, 1%. Ces chiffres sont donc pour les États-Unis. L'épidémie a très tôt été considérée comme l'événement médical de la décennie de 1980. Elle fait l'objet d'articles et de unes dans la presse, elle y est quasiment systématiquement identifiée comme étant une maladie gay, alors qu'aux USA, 30% des cas reportés n'étaient pas identifiables comme tels, et bien plus au Zaïre et en Belgique qui en est l'ancien pouvoir colonial. Le fait que le syndrome ait gardé longtemps une origine scientifique mystérieuse n'est pas anodin dans cette mécanique de désignation de bouc émissaire. S'y rattache à un système de domination homophobe et ses représentations. Il s'agirait d'une maladie provenant des excès sexuels, entre guillemets, que les stéréotypes liés à l'homosexualité, ainsi que l'usage supposé plus important de drogue. Les incertitudes quant aux mécanismes de transmission, l'absence de traitement, ne sont pas sans rappeler ce que nous vivons en 2020 avec le Covid-19, entre sinophobie, opprobre raciste envers les habitants et habitantes des quartiers, entre guillemets, et leur supposée incapacité à se plier aux mesures sanitaires et théories complotistes fumeuses. Ces mécanismes, qui étaient auparavant le sujet de recherches des historiens, des historiennes et des anthropologues, ont déjà fait leur retour dans les années 80, donc avec le début de l'épidémie du sida. On note qu'une des premières unes du New York Magazine consacrée au sida évoquait la peste gay. Donc tout ça, c'était des amalgames qui ont parfois pu être intériorisés, pouvant conduire à de la culpabilité, de la dépression et de la perte d'estime de soi. Des psychologues travaillant avec des personnes gays atteintes témoignent que la plupart semblent admettre, à un certain degré, être responsables de leur sida. Cet état de fait a eu une conséquence non négligeable quant à l'évolution des mœurs en matière sexuelle, remettant ainsi en question les aspirations à la liberté sexuelle, voyant apparaître une nouvelle idéologie de la monogamie et plongeant un grand nombre d'homosexuels dans une incertitude sur la manière dont ils doivent conduire leur vie. Des questionnements et un mal-être qui se sont beaucoup moins manifestés dans les populations hétérosexuelles, précisément du fait de cette situation particulière de bouc émissaire que les homosexuels, eux, subissaient. On peut voir dans tout cela une conformation morale à des modèles dominants. Dans le monde médical, la terminologie initiale de la maladie qui a été écartée était gay-related immune deficiency, immunodéficience liée à l'homosexualité. Cette perception, constatée jusqu'au sein du corps médical dans les premiers temps de l'épidémie, a laissé de lourdes traces par la suite. Margot Wann Frommer, une journaliste scientifique, va jusqu'à suggérer, en 1983, qu'une prédisposition génétique au sida pourrait être liée à une prédisposition génétique à l'homosexualité. L'épidémie a vu donc ressurgir à la fois l'idée que l'homosexualité serait une maladie, mais aussi qu'elle causerait la maladie de nombreux individus désuisant alors que le salaire du péché, c'est la mort, projetant dans ce désastre médical des considérations morales et religieuses. Aux USA, les homosexuels sont perçus davantage comme une minorité, avec un mode de vie particulier et des caractéristiques propres, plus que comme pratiquant d'un comportement sexuel particulier. Un tel point que même le CDC, donc le Center for Disease Control, a utilisé la catégorisation homme homosexuel ou bisexuel, décrivant ainsi des identités plutôt que des comportements. Cette communautarisation facilite donc leur désignation en tant que groupe comme origine de la propagation du sida, qui est alors vue comme une maladie spécifique à leur groupe social. Ceci est d'autant plus marqué que la décennie précédente avait vu l'apparition de mouvements d'affirmation politique de l'homosexualité. En ce sens, si les usagers de drogue par intraveineuse sont également plus touchés que la moyenne par le sida, la difficulté à les désigner en tant que communauté n'a pas abouti à la même stigmatisation. Cette identification du sida aux homosexuels a eu de graves conséquences. Les agressions physiques homophobes associées à des injures évoquant la maladie au retour de débats prônant la pénalisation de l'homosexualité. En Australie, un groupe politique réactionnaire de lobbying évangéliste a réclamé la mise en quarantaine des touristes homosexuels. Il est à noter que ces mécanismes de stigmatisation peuvent nuire à la recherche épidémiologique, dans le sens où, alors que les Haïtiens et les homosexuels étaient plus touchés et davantage pointés comme vecteurs de la maladie, il devenait alors délicat d'étudier les causes de ces contaminations spécifiques, sans risquer de tomber dans des controverses dues à ce climat de stigmatisation, les accusations mutuelles de racisme et d'homophobie pouvant alors rapidement apparaître. À noter qu'il y a été établi une forte incidence du sida dans les communautés hispaniques et afro-américaines aux États-Unis. Une réalité fortement occultée par des médias véhiculant un racisme insidieux qui a défini la minorité gay comme quasiment exclusivement blanche. Avant la découverte du VIH, donc le virus de l'immunodéficience humaine, qui est à l'origine du sida, en 1983, certains scientifiques ont défendu l'idée selon laquelle le sida était principalement le résultat d'infections à répétition par des organismes déjà identifiés et ont relié ce dernier à la promiscuité sexuelle. Ils ont ainsi été jusqu'à suggérer que le sida était une maladie auto-infligée. Par ailleurs, le fait d'associer des groupes minorisés aux épidémies constitue un frein à la recherche médicale contre celle-ci, étant donné l'influence politique moindre de ces groupes. Ainsi, on peut estimer que la recherche contre la drépanocytose, dont 80% des cas se concentrent en Afrique subsaharienne, bénéficie d'insuffisamment de moyens. On parlera aussi d'Ebola, une maladie qui a assez variablement préoccupé les sociétés occidentales en fonction des risques d'y voir apparaître cette maladie, malgré sa violence et sa mortalité effrayante. Étrangement, cette constatation peut aussi nourrir des fantasmes presque complotistes chez des personnes surestimant le poids des organisations de défense des droits des homosexuels, en ce qui concerne le sida, estimant que cette maladie aurait par ce biais bénéficié d'une attention exagérée, comme quoi les discriminations trouvent toujours un chemin. Alors que la prédisposition au sida chez une certaine partie des homosexuels, aux USA en tout cas, il en est beaucoup de moins de même en Europe par exemple, pouvait effectivement s'expliquer par certains facteurs spécifiques, la perception que l'ensemble des homosexuels et que leur mode de vie y sont liés en font des boucs émissaires tout trouvés. Au point qu'aujourd'hui encore, les pratiques homosexuelles sont des contre-indications au don du sang. Dans certains pays, des individus sont allés jusqu'à créer des banques du sang privées, pensant ainsi échapper au sang prétendument contaminé des gays. Ces discriminations, ainsi que celles touchant les Haïtiens, ne peuvent uniquement s'expliquer par la peur devant une maladie mystérieuse. Ce sont bien des fonds d'homophobie et de racisme systémique qui catalysent la stigmatisation de ces grippes comme vecteur du sida. Il est à noter qu'en réaction à ces mécanismes de discrimination, La communauté homosexuelle, qui, comme évoqué plus tôt, avait déjà commencé à se structurer dans les années 70 aux États-Unis, donc le mouvement revendicatif autour de cette communauté s'est amplifié, a permis de politiser des milliers de personnes qui ont souhaité être actrices, notamment du débat sur l'allocation des ressources de l'État. Ainsi, il est possible de comparer l'impact du sida, en termes de mobilisation, à celui des émeutes de Stonewall en 1969. La gravité de la menace et son caractère aveugle a permis de s'accorder unanimement sur l'exigence d'une réponse de l'État, faisant ainsi apparaître une unité dissimulant des lignes de fracture socio-économique. Cette mobilisation a eu un effet déterminant dans la collecte massive de fonds ainsi que dans le déblocage de moyens de lutte contre le sida par les institutions. Concernant l'aspect social et médical de la question, je terminerai sur une citation de Jesse Jackson en 1983. Si l'on s'engage à garantir une prise en charge, quelle que soit la maladie, sur la base des besoins et non sur celle de la richesse ou de l'appartenance de classe, on peut considérer que la question des soins de santé englobe celle du sida. Terminons donc par l'actualité. Alors que l'épidémie de Covid-19 atteignait son plus haut niveau en Chine, la suspicion s'est rapidement manifestée vis-à-vis des ressortissants asiatiques en Europe. Écharpes remontées, sièges vides autour des personnes concernées ou carrément éjection des transports en commun, désertion des commerces asiatiques, une vraie psychose autour des nombreux produits d'importation asiatique également. Alors bien évidemment, ces comportements sinophobes puisent dans un racisme latent qui ne date pas d'hier. Enfin, avec le début du confinement, ce sont les quartiers populaires, particulièrement en région parisienne, qui font l'objet de mécanismes de stigmatisation autour de la panique morale alimentée par l'extrême droite sur une supposée incapacité à respecter les règles des distanciations sociales. Le 18 mars, Valeurs Actuelles titrait « Barbès, Château Rouge, La Chapelle, ces quartiers où l'on se fiche des règles de confinement ». Il s'ensuivit une déferlante médiatique où, sans surprise, on retrouva les troupes de choc de la propagande islamophobe. Onfray, Zemmour, Ciotti, Dupont-Aignan, Le Pen et les syndicats de flics, appelant à l'envoi de l'armée pour faire plier la racaille, comme à peu près à chaque fois qu'elles en ont l'occasion. Un autre refrain très habituel également est évoqué une indulgence de l'État face au manquement des habitants des quartiers populaires, en contradiction totale avec les faits qui voient au contraire une continuation des logiques répressives et discriminatoires. Celle-ci, et la désignation si rapide de ces boucs émissaires, s'appuie sur 50 ans d'un processus d'altérisation par l'instrumentalisation de tous les événements pouvant cristalliser des processus de panique morale. Les épisodes émeutiers, les polémiques autour de l'identité et du supposé communautarisme, les imaginaires autour du terrorisme islamique, etc. Comme vu plus tôt, cette cristallisation des peurs sociales autour des quartiers populaires, avec tout le côté moral induit, ne date pas d'hier. Ces ensembles ont toujours été décrits comme peuplés d'une espèce à part et menaçante. Alors que les quartiers bourgeois n'ont pas été les plus exemplaires en ce qui concerne le respect des recommandations sanitaires, les cités populaires sont-elles aux premières lignes de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, en fournissant l'essentiel des personnels soignants, des employés de la grande distribution, des ouvriers et ouvrières contraints de continuer le travail, des livreurs et livreuses et des boueurs et boueuses. Par ailleurs, ces territoires cumulent les facteurs de vulnérabilité sociale et sanitaire, favorisant la propagation du virus et sa létalité, et expliquant enfin les chiffres alarmants en termes de contamination dans le département de Seine-Saint-Denis. D'autant plus alarmant quand on sait que ces villes et quartiers concentrent les inégalités d'accès aux soins, ainsi que la plus forte proportion de personnes obèses, diabétiques ou touchées par des maladies respiratoires et affections de longue durée, des facteurs aggravants face à la maladie du Covid-19. Une situation que Valeurs Actuelles et consorts montrent, toute honte bue, comme conséquence d'une culture de la négligence. Des inégalités dont on ignore encore les effets combinés à ceux de l'épidémie de Covid-19. Va-t-il y avoir une prise de conscience des forces essentielles que comptent les quartiers populaires ou la situation risque-t-elle de s'aggraver? La situation dans le domaine scolaire tend à rester prudent. La continuité pédagogique telle qu'organisée par l'éducation nationale ne peut qu'accentuer les écarts entre élèves pouvant disposer d'outils informatiques adéquats et ceux qui ne le peuvent pas, nombreux dans ces quartiers. Alors que de nombreuses personnes, dont des élus locaux et des associations, ont répondu aux mécanismes de désignation de boucs émissaires des commentaires réactionnaires par des contrefeux mettant en évidence l'effort fourni et les difficultés rencontrées dans leur ville, 40 ans de politique de la ville n'invitent pas à l'optimisme. L'accumulation de connaissances toujours plus fines sur les inégalités socio-spatiales n'ont pas mis fin à l'iniquité des politiques publiques qui consacrent toujours moins de ressources aux quartiers dits prioritaires, alors que les besoins y sont toujours plus élevés. On a au contraire vu ces dernières années un désintérêt médiatique au profit de la France périphérique. Voilà, donc c'était un petit tour d'horizon à la fois historique et d'actualité autour de la thématique des épidémies et de la désignation de bouc émissaire à leur occasion.